les caps du passé, océan sans rivage, je contemple un amour emporté par les vents. Les troupeaux fugitifs en la nuit de mon âge disparaissent. Mes yeux sont les lampes du temps. Terre, mémoriale, mes îles fortunées, seigneuriales, délices, majestueux repos. Les rapides chevaux de mes jeunes années n'ont pas lassé mon cœur du bruit de leurs sabots. J'ai tissé de vents et de paroles un voile au long col gris tenu par les pêchers. De mon dernier portail, il cache l'acropole et courbe vers le sol un casque empanaché. As-tu faim de la terre? Rêves-tu de royaume? Changerais-tu de peau, de pays, de couleur? Deux fées se sont penchées pour enlever mon aume. Le fer de leurs baisers cicatrisa mon cœur. Qu'elle brille la rouge avec sa guipure. Ses serviteurs criaient: le vieux monde est brisé, va, tu sauras bientôt ce que l'âge contemple, me disait l'autre fée, nue sous un beau turban. Elle était allongée sur les marches du temple et me tendait un crâne d'or sur un cadran. Un triste et calme vent, inconnu sous les astres, qui n'était pas venu d'horizons cardinaux, étendait sur le golfe le jour bas du désastre. Le vieux monde est